Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec la longue des ondes. Et comme à l'habitude, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador. Il y a CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CIFA Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe, de la région de Barrie, en Ontario. Envol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique, et CIVR, Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Vous m'envoyez ça à canrockcdn@gmail.com. Voilà. On va poursuivre notre bloc de l'Est Québec-Ontario avec tout simplement une artiste qui va quand même assez bien sur les palmarès. Je vous invite à aller faire un petit tour sur ma page Facebook pour découvrir une petite image de Sirius XM, Influence Franco. Et en sixième position, qui est-ce qu'on retrouve cette semaine? Eh bien, c'est tout simplement Marie-Claude qui a progressé d'une place. Bien content pour elle. Continuez à aller sur Influence Franco et votez pour vos chansons préférées, dont celle de Marie-Claude, Red Flag, qu'on va entendre dans quelques instants. C'est merveilleux. Par la suite, qu'est-ce qu'on va entendre? Eh bien, je vous envoie tout simplement une chanson du nouvel album de Alain et Geneviève. Ça s'appelle « Des nouvelles de toi ». Très bonne chanson et très bon album en passant. Mais pour l'instant, voici Marie-Claude, Red Flag. Tomber dans une marée assoiffée, là où nage les mal-aimés. Je te cherche avec le regard vitré. Me vois-tu? Je pense trop, tu ne penses pas. Tu misères au bon milieu des herbes folles, au bon milieu des herbes folles. Depuis qu'on se comprend à moitié, ma solitude a doublé. Raconte-moi ton rêve. Ce matin, même si tu ne veux rien savoir du mien, on se griffe le cou à devenir fou, on ne sait plus s'apprivoiser. J'ai si peur de nous dans la gueule du loup, on vacille entre les crèves-cœurs, les coups de cœur, on s'isole. Je divague au red flag, au red flag. Attention au red flag, au red flag. Je divague au red flag, au red flag. J'écouterai pas ton rêve. t'habites dans un sous-sol. Loin de ton X, tu manques de lumière. Dans ta vie que tu te bricoles, les cadres que tu fixes sont à l'envers. Tu bois et tu boucanes, tu fais tout pour effacer ta vie entière. Tu as le cœur en panne, les peaux que t'as cassées prennent la poussière. Ne t'en fais pas, ce n'est que moi. C'est moi qui sonne à la porte. Je prends des nouvelles de toi. Je voudrais qu'on t'oublie pas. Faut ramasser les bouteilles que t'as vidées sur tes deuils pendant trop longtemps. Portera conseil et demain tu ouvriras l'œil en regardant devant. On a trouvé sur ta boussole le nord que t'as perdu dans tes déboires. Il faut que tu te consoles. Ne t'en fais pas, ce n'est que moi. C'est moi qui sonne à la porte. Je prends des nouvelles de toi. Je voudrais qu'on t'oublie pas. Je prends des nouvelles de toi. Les affamés, lui s'en va le ventre plein. Toujours à s'éloigner, l'envie de partir à portée de la main. Si ce n'était que de l'histoire, dans son rétroviseur. De celle si seule assise derrière, dans son rétro qui pleure. Confort sous un torrent de pluie. Car sa vie le retient, du peu qu'il tient encore dans les mains. Le reste, il s'en plaindra demain. Ce geste aura raison de lui, modeste désir qui ne reviendra pas. Le temps qui s'effrite pas à pas rattrape toujours celui qui fuit. Nomade, j'étancherai ma haine. Nomade, je soignerai ma peine. Nomade, itinérant sans sol. Nomade, toujours insatisfait. Nomade, j'étancherai ma haine. Nomade, je soignerai ma peine. Nomade, itinérant sans sol. Nomade, dans cette ville qui l'as vu naître, la pitié maître, à ce vouloir d'exil. Cette fin pourtant il sait finira peut-être par tout lui prendre. En dédain, à quoi s'attendre quand le poison lui fait son effet? Mais ça vous le saviez déjà, au chat qui dort on ne touche pas. Les dégâts de la loi du talion ont fait de nous ivrognes et pions. La quête d'échappatoire dans un monde de fabulation, bientôt à en perdre la mémoire, duquel les deux avaient raison. Nomade, je dangerai ma haine, nomade, je soignerai ma peine, nomade, l'itinérance en seul, nomade, toujours insatisfait, nomade, je dangerai ma haine, nomade, je soignerai ma peine, nomade, l'itinérance en seul, nomade, toujours insatisfait, nomade, je dangerai ma haine, nomade, je soignerai ma peine, nomade, l'itinérance en seul, nomade, toujours insatisfait, nomade, je dangerai ma haine, nomade, je soignerai ma peine, nomade. Éternel, insatisfait. Pour qui, pour quand, pourquoi? Ce qui est fait est fait. Il ne reviendra pas. Demain repartira. Insatisfait. Nul n'est prophète chez soi. Nomade, je dangerai ma haine. Nomade, je soignerai ma paix. Nomade, itinérant sans sol. Nomade, toujours insatisfait. Nomade, je dangerai ma haine. Nomade, je soignerai ma paix. Nomade, itinérant sans sol. Nomade, toujours insatisfait. Nomade, je dangerai ma haine. Nomade, je soignerai ma paix. Nomade, itinérant sans sol. Nomade, toujours insatisfait. Nomade, je dangerai ma haine. Nomade, je soignerai ma paix. Nomade, itinérant sans sol. Nomade de Monsieur Yao, très bonne chanson. Nomade qui sera en vitrine au Festival international de la chanson de Granby. Et si vous allez sur ma page Facebook, vous pouvez voir les artistes de la francophonie canadienne qui sont en nomination, ben pas en nomination, mais en demi-finale. Jérémy de Delicious Sound, entre autres, il y a Gabriel Cyr, Joël Villeneuve. Donc on leur souhaite bien sûr toute la chance du monde pour passer à la finale. Ça serait bien le fun de les voir là. Juste avant, on a entendu des nouvelles de toi. Je ne sais pas si on peut dire Alain et Geneviève ou Geneviève et Alain, mais quand même, c'est deux, c'est un couple dans la vie et aussi sur scène qui fait de l'excellente musique. Nouvel album de La Rivière à la Mer, très bon album. Je vous en parle la semaine prochaine, vous allez voir. C'est vraiment très, très bien fait cet album-là. Il y a super bonnes tunes, des super bonnes tunes sur l'album. C'est magnifique. Ça nous amène à notre bloc instrumental. Qu'est-ce que j'ai de préparé pour vous? J'ai tout simplement Horizon ou Horizon de Vichten qui sont plus ou moins occupés ces temps-ci parce qu'Emmanuel est en charge un peu et directrice artistique du spectacle d'ouverture du Gala mondial acadien en Branville-Village, à l'île du Prince-Édouard. Donc, mais pas mal tous les Acadiens se retrouvent là de toute façon. Donc, j'ai programmé Horizon avec grand plaisir. Par la suite, on va se rappeler un beau souvenir, un grand dérangement de leur album « Danse dans les flammes ». Il y avait une pièce qui s'appelait « Bourrasque » qui est assez énergique lorsqu'on entend ça. C'est dur de ne pas taper du pied parce que c'est vraiment très, très, très bien fait, très énergique. Parce qu'il y a des retours comme ça, hein, des fois, des groupes qui reviennent après tant d'années. Est-ce qu'on pourrait voir un retour de grand dérangement avec les danseuses originales, avec les musiciens originaux? Ça serait le fun de voir ça. Je lance ça comme ça. Hein, s'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui dit « Hey, moi, je vais travailler là-dessus », allez-y, ça serait bien le fun. Et on va terminer ça avec Chris and the Crazy Brass de son petit démo là, qu'il avait fait pour sa graduation de l'école Saint-Laurent, du Cégep Saint-Laurent à Montréal, où il a appris, il a suivi des cours de musique jazz et tout ça. Chris and the Crazy Brass, Christian Mallette de Gatineau, qui est un excellent guitariste. Eh bien, on va se rappeler un beau souvenir, country music, et vous allez voir, il y a de la note au pouce carré là-dedans. Mon Dieu, c'est bon. Mais on commence ça avec tout simplement Vichten, je le rappelle, Emmanuel Leblanc est en charge du spectacle d'ouverture du Congrès mondial acadien à l'île du Prince-Édouard. On les écoute avec Horizon.